إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يا عباد الله تكلمنا في الجمعة الماضية عن الأشهر الحرم وعن فضل العمل فيهن وفضل العمل في العشر من ذي الحجة وقد دخلنا فيها وسرعان ما تمر وغدا التاسع من ذي الحجة يوم عرفة. Nous avons abordé précédemment le sujet des mois sacrés et le mérite des œuvres durant ces mois, mais aussi le mérite des œuvres durant les 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Zilhijjah. Et certes, nous sommes rentrés dans ce mois, et que ces jours passent vite. Demain, le 9e jour de Zilhijjah, le jour de Arafah, Akhraj Muslimun في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة احتسبوا على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. L'imam muslim a cité dans son recueil, selon Abi Qatada رضي الله عنه, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: le jeûne du mois, le jeûne du jour de Arafah. J'espère, venant d'Allah, qu'il expie les péchés de l'année passée et les péchés de l'année future, l'année à venir. وهذا يا عباد الله من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن جعل لنا أسبابا لتكفير ذنوبنا فإنه تبارك وتعالى علم ضعفنا. Et cela, ô serviteur d'Allah, fait partie de la bonté d'Allah tabaraka wa ta'ala envers nous, car il a placé pour nous des causes permettant l'expiation de nos péchés. Il connaît certes tabaraka wa ta'ala, il connaît certes notre faiblesse. Il dit « Wa khuliqa al-insanu da'ifa » et l'être humain a été créé faible. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « Kullu bani adam khatta' » tous les enfants d'Adam commettent des péchés. « Fala tufawitu hadhihi al-farsa » Ya ikhwa wa akhawat, istafidu min hadha al-yawm bis-sawm wal-ikthar min al-'amal as-salih. Ne laissez pas partir cette occasion, ô mes frères et sœurs. Accomplissez donc le jeûne et augmentez le nombre de bonnes actions. Faites attention, barakallahu fikoum, à faire un peu de place pour les frères qui rentrent dans la mosquée. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر. L'imam muslim a cité dans son recueil selon Abu Huraira radiallahu ta'ala an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: d'un vendredi à un autre, d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre. Ces actes d'adoration que nous accomplissons tous les jours, d'une prière à une autre, d'un vendredi à un autre, et d'un ramadan à un autre, sont des causes d'expiation de tous les péchés commis entre ces actes d'adoration. À condition que celui-ci s'écarte des grands péchés. À condition que celui-ci s'écarte des grands péchés. Istadalla al-ulama bi hadha al-hadith ala anna al-kaba'ir la budda laha min tawba wa anna al-a'mal allati tukaffiru adh-dhunub innama al-maqsud minha as-sagha'ir duna al-kaba'ir. Les savants, qu'Allah leur fasse miséricorde, se sont appuyés sur ce hadith que je viens de vous citer pour dire que concernant les grands péchés, le repentir est obligatoire. Il est impératif de se repentir concernant les grands péchés. Et que tous les hadiths, tous les textes religieux qui citent des œuvres qui permettent l'expiation de péchés, alors ce qui est voulu par là, ce sont les petits péchés et non les grands. Lisa. يجب علينا أن نتوب إلى الله من جميع الذنوب. C'est pour cela, mes frères, qu'il nous est impératif de nous repentir à Allah pour tous nos péchés, afin de pouvoir profiter grandement de ce jour. Allah تبارك وتعالى qui dit: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. Ô ceux qui ont cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère, afin qu'il puisse expier vos péchés et vous faire rentrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux. Certains, malheureusement, vont commettre tous les péchés, tous les grands péchés, et penser venir un jour, je me calme, un jour, je jeûne, et ensuite je recommence. Non. Repens-toi à Allah. Repens-toi à Allah de tes péchés. Nous faisons tous des péchés. Walakin, khayrul tawwabin, khayrul khata'in at-tawwabun. Cependant, les meilleurs parmi ceux qui commettent des péchés sont ceux qui se repentent. Fa'alina an natuba ila Allah min al-kaba'ir. Nous devons donc nous repentir à Allah concernant les grands péchés. والكذب من الكبائر. Le mensonge fait partie des grands péchés. والغيبة من الكبائر. Ainsi que la médisance fait partie des grands péchés. والنميمة من الكبائر. Le colportage fait partie des grands péchés. الزنا من الكبائر. La fornication fait partie des grands péchés. التعامل بالربا من الكبائر. Le fait d'œuvrer et d'accomplir donc les échanges avec de l'usure. Et le plus répandu à notre époque, l'usure bancaire. Cela fait partie des grands péchés. Nous devons donc nous repentir à Allah et ne pas désespérer de sa miséricorde. Il est certes celui qui dit: Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusikum La tasrafu, la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Oh mes serviteurs, qui se sont fait injustice à eux-mêmes. On fait tous des fautes. Nous fautons tous. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, il pardonne tous les péchés. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد عباد الله إنه لا يخفى عليكم أن صيام يوم عرفة صادف يوم السبت في هذا العام أو serviteur d'Allah, comme vous le savez tous, le jeûne du jour de Arafah tombera un samedi cette année, donc demain. وقد جاء حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. Et certes, il a été rapporté un hadith disant ne jeûnez pas le samedi sauf pour ce qui vous a été rendu obligatoire. وهذا الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به كما قال الامام ابن باز امام اهل السنه في زمنه. Et ce hadith est faible. Il n'est pas correct de l'utiliser comme preuve, comme l'a dit l'imam ibn Baz, l'imam des gens de la sunna à son époque, qu'Allah lui fasse miséricorde. وقد ضعفه جمع كبير من أئمة الحديث. Beaucoup parmi les imams de la science du hadith ont cité que ce hadith est faible. ومنهم الزهري. Et parmi eux il y a l'imam الزهري. وقال أبو داود كما في سننه قال مالك هو كذب. أبو داود رحمه الله a cité, comme dans son recueil intitulé Sunan, il dit, l'imam Malik a dit, en parlant donc de ce hadith, ceci est un mensonge. فعباد الله, هذا الحديث مخالف لما أجمع عليه العلماء. Ô serviteur d'Allah, ce hadith contredit l'unanimité des savants. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. البخاري et مسلم ont cité dans leur recueil authentique selon أبو هريرة رضي الله عنه que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'aucun d'entre vous ne jeûne le vendredi, sauf s'il jeûne avec celui-ci un jour avant lui ou un jour après lui. Wa yufhamu min hadha al-hadith jawaz siyam yawm as-sabt li'annahu huwa alladhi ba'd al-jumu'ah. On comprend de ce hadith la licéité du jeûne du samedi, car c'est le samedi qui vient après le vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas cité dans ce hadith un jeûne obligatoire, mais il a cité un jeûne surrogatoire. Wa hadha al-hadith ajma' al-ulama ala sihhatihi fa innahu fi a'la darajat as-sihhah. Et ce hadith que je viens de vous citer, les savants sont unanimes concernant son authenticité. Aucune divergence. Aucune. Et ce hadith est donc fait partie des hadiths qui ont le plus haut degré d'authenticité. Fayajuzu lana radan an nasuma yawm as-sabt munfaridan in shi'na. Et donc il nous a permis demain de jeûner samedi, le jour de Arafah, même si on le jeûne seul. Walakin la tasumu yawm al-ahad. Cependant, ne jeûnez pas le dimanche. Ne jeûnez pas le dimanche. Li'annahu yawm Eid. Car c'est le jour du Eid. Wa qalat Aisha radhiyallahu anha kama fi sahih Muslim. Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an sawmayn yawm al-fitr wa yawm al-adha. Et Aisha radhiyallahu anha elle a dit comme dans sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit deux jeûnes. Le jeûne de la rupture du jeûne après Ramadan et le jeûne du sacrifice, donc dimanche. Il est donc interdit de jeûner le jour du sacrifice. Wa akhiran ya ikhwa, uzakkirukum bi annana sanabda'u inshaallah ta'ala ghadan fi hadha al-masjid ba'da salat al-fajr bit-takbir al-muqayyad. Et je vous rappelle, pour finir, ô mes frères, que nous allons commencer demain dans cette mosquée le takbir lié à des moments précis, c'est-à-dire le fait de prononcer le takbir à la fin de chaque salat obligatoire, et ce jusqu'à la fin des jours du tashrik au asar, inshallah ta'ala. Et j'en profite aussi pour vous annoncer que nous allons, inshallah aussi, dans cette mosquée, donc organiser un cours demain lié aux mœurs et aux règles du Eid. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات اللهم اغفر لنا جميعا اللهم تب علينا في هذه الأيام المباركة واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووحد صفوفنا اللهم وحد كلمة المسلمين واجمعهم على كلمة واحدة كلمة التوحيد يا رب العالمين إنك على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة